Pendant la nuit, du 27 au 28 décembre, le Nautilus abandonna les parages de Vanikoro avec une vitesse excessive. Sa direction était sud-ouest et, en 3 jours, il franchit les 750 lieues qui séparent le groupe de la Pérouse de la pointe sud-est de la Papouasie. Le 1er janvier 1868, de grand matin, Conseil me rejoignit sur la plateforme. « Monsieur, me dit ce brave garçon, monsieur me permettra-t-il de lui souhaiter une bonne année ?»« Commandant, Conseil, mais exactement comme si j'étais à Paris, dans mon cabinet du Jardin des Plantes. J'accepte tes vœux, je t'en remercie. Seulement, je te demanderai ce que tu entends par une bonne année, dans les circonstances où nous trouvons. Est-ce l'année qui amènera la fin de notre emprisonnement, ou l'année qui verra se continuer cet étrange voyage ?»« Ma foi, répondit Conseil, je ne sais trop que dire à monsieur. Il est certain que nous voyons de curieuses choses, et que depuis 2 mois, nous n'avons pas eu le temps de nous ennuyer. » En outre, M. Nemo, ce terme signifie en latin « personne », justifie bien son nom latin, et il n'est pas plus gênant que s'il n'existait pas. Comme tu le dis, Conseil. Je pense donc, n'en déplaise à monsieur, qu'une bonne année serait une année qui nous permettrait de tout voir. De tout voir, Conseil? Ce serait peut-être long, mais qu'en pense Ned Land? Ned Land pense exactement le contraire de moi. Regardez les poissons, et toujours en manger ne lui suffit pas. Le manque de vin, de pain, de viande, cela ne convient guère à un digne saxon auquel les beefsteaks sont familiers, et que le brandy ou le gin, pris dans une proportion modérée, n'effraie guère. Pour mon compte, Conseil, ce n'est point là ce qui me tourmente, et je m'accommode très bien du régime du bord. Moi de même, répondit Conseil. Enfin, pour conclure, je souhaite à monsieur ce qui fera plaisir à monsieur. Merci, Conseil. Seulement, je te demanderai de remettre à plus tard la question des étrennes, et de les remplacer provisoirement par une bonne poignée de main. Je n'ai que cela sur moi. Monsieur n'a jamais été si généreux, répondit Conseil. Et là-dessus, le brave garçon s'en alla.